je n'attends pas à ce que tu me reconnaisses, toi, puisque moi-même, je ne te reconnais plus. Donc quand on enlève à une autorité son autorité, on ne cherche plus à être reconnu, on n'attend plus à un laisser-passer. Et ça, ça a vraiment créé un moment de clivage. Le vrai éclatement s'est passé à ce moment-là. Et à partir de là, il a fallu pas mal de temps pour que les choses se tassent et qu'on comprenne qui a survécu à cette guerre et qui a gagné la guerre. Tout le monde est un peu perdu, comme toujours. Le Liban, comme l'Égypte, sont les précurseurs de la psychanalyse dans le monde arabe. Ils ont hérité cette discipline de l'époque coloniale. Avec ses premiers thérapeutes formés en Europe, la psychanalyse est implantée à Beyrouth depuis plusieurs décennies. Mais la société psychanalytique libanaise, initiée par Mounir Chamoun dans les années 70, a volé en éclats et reste aujourd'hui divisée. À l'image du pays, elle n'a pas échappé aux guerres intestines et au meurtre du père. La nuit dernière, on a encore entendu des fusillades près de Beyrouth et les Palestiniens accusent les militants phalangistes. L'armée libanaise est également entrée en scène. Elle a investi plusieurs quartiers de la capitale libanaise. Il y a certains éléments incontrôlés et indisciplinés qui, sous prétexte de servir la cause palestinienne, sont en train de faire le plus grand tort à leur cause et au Liban. Ce soir encore, Beyrouth compte ses morts. En trois jours, les combats de rue auront fait 100 tués et 60 blessés chez les Fedayines et la milice des Phalanges. Dans certains quartiers, sur la route nord, on a pu enlever les morts que tard dans la soirée. But we will have to take care that all the terrorists leave Beyrouth. Mais nous veillerons à ce que tous les terroristes quittent Beyrouth et le Liban. Il n'en restera pas un seul, croyez-moi. Aucun quartier n'est épargné. Pendant 88 jours, les Fedayines, mais aussi les civils libanais et palestiniens, sont pris sous les bombes à implosion. Le napalm. Près de 60 chars syriens ont pénétré cette nuit au Liban avec un régiment de 2000 hommes. La force, la violence et la cruauté de l'agression israélienne bouleversent l'opinion mondiale. Après la relance des combats ces derniers jours qui ont fait 500 morts en un week-end, la Syrie accentue donc son intervention militaire au Liban. Moi, je crois que ce qui est particulier à être psychanalyste libanaise au Liban, c'est le genre de patient avec qui j'ai dû travailler ou j'ai choisi de travailler. Raina Sarkis, psychanalyste. J'ai eu beaucoup de patients qui sont des traumatisés de la guerre. On est tous des traumatisés de la guerre. On est tous des créatures endommagées par la guerre. Mais sur le divan, les traumas enfouis et insoupçonnés sont inimaginables. Parce que ce n'est pas non plus un contenu manifeste que le patient adresse. C'est vraiment quelque chose qui ressort à travers les séances, à travers le temps et aussi dans les souterrains de ce qui est dit. Ce n'est même pas dit au premier plan. Mais c'est le moteur ou c'est l'explication de certaines choses qui se traduisent en souffrance actuelle ou en système. Beaucoup de ces fonctionnements trouvent leur explication dans des expériences reliées à des vécus de guerre et à des traumas. Donc ça, c'est une expérience, je crois, qui n'est pas négligeable. Parce que tous les citoyens de tous les pays n'ont pas connu une guerre civile récente, de mémoire vivante, et n'ont pas passé une partie de leur vie dans des abris ou en train d'échapper aux francs-tireurs ou en train d'essayer de fuir le pays, etc. Je parle d'une guerre civile intestinale, une guerre de rue parmi les habitants, ainsi de suite. Je ne parle pas d'une guerre entre deux armées sur une frontière. Alors on va aller quand même jeter un coup d'œil du côté de l'Extrême-Orient pour clarifier la situation avec Régis Virieux. Vous pouvez nous expliquer ça en deux coups de cuillère à peau. Oui, en effet Guillaume, je me suis entretenu avec le haut responsable sunnite de Beyrouth Est et il ressort que la situation maintenant est fort claire. En effet, si les maronites modérés du sud Liban redonnent aux alaouites du mouvement dur le contrôle du nord de Beyrouth Ouest, ils ne s'opposeront pas à ce que les chiites amal demeurent à l'extrême est de Beyrouth Sud. Reste à savoir toutefois ce que les Kurdes du mouvement Kahal feront avec ou sans l'aide des moudjahidines sunnites du clan Afat. Cela dit, si les Tamouls de Palestine restent neutres et surtout si les Ashkénazes bouddhistes des territoires occupés demeurent divisés, on ne voit vraiment pas comment les calvinistes musulmans du Sheikh Habib pourraient empêcher les intégristes luthériens de l'imam Shouktar d'étouffer dans l'œuf l'intifada des Amish séfarades de la bande sud-est du nord-ouest de la banlieue de Beyrouth-Centre périphérique, intérieur compris. Allons-nous vers une solution au conflit? Nous sommes maintenant en droit de l'espérer, Guillaume. La mort de Hariri, c'est un peu comme le refoulement originel, c'est un peu comme la horde primitive. Shoki Azuri, psychanalyste. Vous savez un peu ce que c'est que la horde primitive? Je vous le dis en deux mots. C'est un mythe que Freud a créé. On a un chef de horde qui est une sorte de brute terrifiant, totalisant, et qui fait fonctionner le groupe, la horde, par la force. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle, c'est lui. La thèse de Freud, c'est quoi? C'est cette horde primitive, dirigée par un mâle tout puissant, qui baisse qui il veut, qui tue qui il veut, qui distribue les richesses comme il veut, et un jour assassiné par les fils. Il décide de le tuer, avec en secret, chacun le désir de prendre sa place. Il le tue et il le mange. Et à ce moment-là, au lieu qu'ils rentrent en guerre les uns avec les autres, s'entretuant pour que le gagnant prenne sa place, ils décident de ne pas faire comme lui. Au lieu de continuer à pratiquer l'inceste, ils instaurent l'exogamie. C'est-à-dire, on va chercher nos épouses à l'extérieur de la tribu. Deux, on a tué le père, on s'empêche de tuer le père en établissant un tabou. Donc il y a un totem qui est tabou, c'est le parricide. Donc l'interdit du parricide, le tabou du parricide, et le tabou de l'inceste. Troisième point, l'enterrement des morts. Il commence par enterrer les morts pour ne pas les bouffer. Et comme ça s'instaure l'humanité. Donc cette horde primitive, elle revient. Elle revient avec les dictateurs. Les dictateurs, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et on voit ça dans la régression d'un pays. Par exemple, le Liban, en 75, l'État éclate, l'armée éclate. Qu'est-ce qui s'est passé? L'établissement des milices. Les milices chrétiennes, chiites, sunnites, etc. Eh bien, elles ont fonctionné comme les hordes primitives. Et c'est peut-être là-dedans qu'on est encore. On a tout fait pour faire disparaître les séquelles de la guerre. Marie-Thérèse Herbadaoui, psychanalyste. C'est comme si la guerre n'avait pas existé physiquement. C'est-à-dire, on ne veut pas qu'il y ait des séquelles. Et vous savez, la guerre, on ne sait pas si elle est terminée. C'est-à-dire, quand vous dites « il n'y a ni vainqueur ni vaincu, nous nous aimons, embrassons-nous », c'est que tout le travail derrière n'a pas été fait. Et c'est comme ça qu'il s'est terminé en 90, octobre 90, si on peut dire qu'elle est terminée. Mais ça s'est terminé comme ça, embrassons-nous. Nous sommes des frères, on ne peut pas se faire la guerre. Donc tout ce travail, moi j'aime pas dire de mémoire, j'aime dire un travail de culture, parce que c'est toute une culture qui doit faire ça. Jusqu'à aujourd'hui, je pense, il n'y a que les artistes qui ont fait ce travail. Et ce qui manque, c'est tout le reste, qu'on puisse, au niveau de l'organisation sociale et politique, faire ce travail, et je ne vois pas comment il va se faire. Tôt ou tard, il faudra le faire. Un traumatisme, il a besoin d'élaboration. À un moment, il faut qu'il y ait ce passage vers le politique. Et justement, est-ce que les Libanais qui viennent sur votre divan, est-ce qu'ils en parlent de ces traumatismes? Alors moi je pense qu'on est certainement marqué, mais je me suis rendu compte qu'un patient sur le divan, quand il est là, il parle de papa-maman. Même s'il y a des bombes qui tombent, il parle de papa-maman, de ses problèmes, de ses conflits. C'est comme si la guerre était entre parenthèses, quelque chose qui ne concernait pas cet espace analytique, cet espace hors réalité. Comme si l'espace extérieur, la réalité, c'était pour lui quelque chose qui était à côté. نسيتينا يا جمال ولو ذكرينا بورقة على شيء انت هيك فكرك بس انا عم ببعث مكاتب. J'ai l'impression que quand il s'agit de voir comment se font les transferts de savoir entre les cercles psychanalytiques libanais et les cercles psychanalytiques en France, les transferts de savoir vont du nord au sud. Enfin, la plupart du temps, c'est les mêmes concepts qui sont repris, les mêmes références qui sont reprises. On cite rarement un collègue libanais, on va plutôt citer des collègues français, etc. Amria, étudiante. Et la seule marge où on aurait quelque chose à apprendre aux psychanalystes occidentaux, Ça tourne autour de la guerre civile, du trauma, de la mémoire, d'une guerre civile qui est déjà pensée comme civile, ce qui est complètement absurde parce que tout le monde sait bien que la guerre civile au Liban n'est pas civile, mais est une sorte de terrain de bataille de plein d'influences occidentales. Donc c'est bien commode déjà de penser la guerre civile comme civile, d'un point de vue purement identitaire, confessionnel, etc. Et surtout, c'est une parfaite métaphore de notre différence, quelque part. Donc c'est déjà cadré, c'est déjà dit, c'est déjà construit comme ça. Et quand il s'agit de parler de ce savoir-là est autorisé comme un savoir qui pourrait enrichir les psychanalystes occidentaux. Et c'est quand même triste qu'on soit un petit peu figé dans cette veine de problématique parce que ça s'observe aussi dans d'autres milieux, comme les milieux artistiques, où finalement les artistes libanais qui veulent voyager en Occident ont pour passeport, quelque part, toute une série d'imaginaires nés de la guerre, les bâtiments criblés de balles, les voitures en feu, les bourreaux de la guerre, les voyous avec les kalachnikovs. Tout cet imaginaire-là est aussi très présent dans les arts plastiques et permet une certaine exportation de l'art libanais. Quand on te dit que, après Charlie Hebdo, les psychanalystes en France ont quelque chose à apprendre des psychanalystes ici, en fait, on est en train de te dire textuellement que la guerre permet notre reconnaissance. Et c'est quand même triste, quoi. Beyrouth ressemble aujourd'hui à un chantier à ciel ouvert. La ville se reconstruit tout azimut pour effacer les traces laissées par la guerre. Et si les traumatismes du conflit ne se retrouvent pas systématiquement sur le divan, je m'interrogeais. Existerait-il des spécificités propres à la psychanalyse libanaise ? Tout le monde a été sur les divans de tout le monde. Tout le monde se connaît. Et on se retrouve dans une petite société qui compte 20 personnes ou 25 personnes. Donc c'est un peu un climat un peu incestueux. On est beaucoup dans donner à voir pour attirer, pour se montrer. C'est un petit pays, oui, mais tout le monde connaît tout le monde. Donc quand on va au cinéma, au Liban, vous rencontrez plein de gens que vous connaissez. Alors que quand vous êtes à Paris ou dans une grande ville, bon, vous allez au cinéma, vous êtes noyé dans une masse. Et c'est peut-être pour ça qu'au Liban, on se préoccupe tellement du qu'en dira-t-on. On va vous voir, on va voir ce que vous avez mis comme habit. Donc c'est pour ça peut-être qu'on s'occupe plus qu'ailleurs de cet aspect extérieur. Parce qu'on va être vu. C'est l'anonymat impossible. Alors pour nous, qui vivons beaucoup sous cette emprise du regard de l'autre, pour nous, quand nous partons à l'étranger, se promener comme ça dans la rue, juste pour se promener, ne rencontrer personne qu'on connaît, c'est une forme de liberté. L'enjeu principal qui se pose, bon, à part le tabou, etc., au Liban, c'est aussi la question de la discrétion. Parce qu'il m'est arrivé, par exemple, de passer une soirée avec une psychologue, professeur, psychanalyste en cabinet, etc., qui parle de ses patients, mais d'une manière déjà relativement haineuse, malheureusement, et puis sans citer leur nom, mais avec foule de détails qui, dans les réseaux assez serrés d'interconnaissance au Liban, peuvent te livrer beaucoup d'histoires de vie. Parce que finalement, tu vas finir par savoir de quelqu'un d'autre qu'un tel va chez cette psychanalyste et recoller les morceaux. Et donc, plusieurs personnes m'ont dit, enfin, surtout des personnes qui ne sont pas de ma génération, mais qui ont plutôt entre 40 et 60 ans, disons, que c'était un motif principal pour eux pour ne pas consulter, parce que vu le train où vont les rumeurs, etc., c'est compliqué pour eux. Après, il y a aussi la question de... On ne peut pas vraiment dire que la psychanalyse est subventionnée, mais il y a toujours des moyens de contourner le prix exorbitant des tarifs en France. Qu'ici, tu n'as pas accès à des thérapeutes si tu n'es pas riche, en fait. Ça coûte combien une séance à peu près ? La séance moyenne, disons qu'elle va être entre 100 000, ça veut dire 65 dollars, une soixantaine d'euros, disons. Et ça peut aller jusqu'à 100 euros, voire plus. Et une séance, c'est entre 20 et 40 minutes. C'est pas long. Normalement, tu en fais plusieurs par semaine. Donc finalement, à la fin du mois, dans un pays où le salaire minimum est à 400 euros, tu vois un petit peu que c'est pas les gens qui ont le salaire minimum qui peuvent se payer une thérapie. Qu'est-ce que vous comprenez au juste à ce que je vous dis ? Quel sens vous trouvez à ce que je vous raconte ? Quel pourcentage de compréhension y a-t-il dans cet endroit ? 20% ou 30% ou... J'ai déjà passé dans cette pièce 460 heures, j'ai dépensé 46 millions de lire. En plus, chaque fois que je sors d'ici, je vais m'acheter des robes dans la boutique en bas pour me remonter le moral. Je peux vous dire qu'ils font des affaires en or avec vos patients. Et puis, ils sont pas les seuls, je me suis renseignée. Il y a un restaurant toujours plein, je l'ai remarqué moi-même. Je devrais le dire à mon cousin pour qu'il ouvre une boutique dans votre rue. Puis la psychanalyse, c'est cher. Très cher. Mouzaïano Seran, psychanalyste. Et moi, je travaille pas une séance. Une seule séance. Une séance par semaine, vous voulez dire? Je travaille pas une séance par semaine. C'est de la tortue, là, qui se balade. C'est une psychanalyse que j'appelle ça à la carte. Ben non, il faut être musculé. Je ne veux ni m'amuser, ni... Ils doivent travailler. Travailler, c'est deux séances au moins. Deux séances par semaine? Ah ben oui. Et les tarifs? Ça dépend, entre 50$ et 100$. Je ne peux pas prendre de quelqu'un 50$ et lui, il donne à son valet 50$ pour garer sa voiture. Non. Il doit sentir la douleur. La psychanalyse, ce n'est pas question d'argent simplement. Mais comment voulez-vous déloger le symptôme si vous ne payez pas? Ça fait mal. Il y a des bénéfices secondaires. Économiquement parlant, je gagne par ce simple. Une femme qui se lamente tout le temps, hein, je suis malade, bah, elle mobilise toute la famille. Elle va rester comme ça 100 ans, malade. Non, il faut la secouer un petit peu. Elle va venir. Allô? And just stretch les ligaments, stretch everything slowly, slowly. Va là-bas, va t'asseoir là-bas, sois gentil. Se promener dans Beyrouth, c'est aussi faire l'expérience d'une traversée polyglotte. Le français, l'anglais et l'arabe se mélangent à l'intérieur d'une même phrase. Alors, quelle langue pour l'analyse? Une des particularités quand même du Liban et de l'éducation que nous avons reçue, c'est, bon, qu'est-ce que c'est que la langue maternelle? Ça, on se la pose depuis des années. On sait que beaucoup parlent le français avant de parler l'arabe, donc parmi les enfants, etc. Marie-Thérèse Herbadaoui, psychanalyste. Moi, si vous me demandez quelle est ma langue maternelle, je ne saurais pas vous dire. Mais je sais qu'aujourd'hui, je peux dire que je m'exprime le mieux en français, j'écris le mieux en français. C'est la langue dans laquelle, même je peux dire, je sens. Les tripes, la poésie, bien que je suis aussi très fière de connaître l'arabe, de parler l'arabe, de l'écrire, mais pas aussi bien que le français. J'ai fait mon analyse en français, oui, et je sais que mon analyste, quand je lui disais des trucs qui me touchaient beaucoup, je lui dis « mais en arabe, ça donne autre chose », il me disait « mais dites-les », même s'il ne les comprenait pas. Et je sais combien c'était important pour moi de les dire dans cette langue-là. En fait, dans les analyses que nous faisons, c'est souvent un mixage de langues. Moi, dans mon cas, mon analyste était français. Mais là, moi, je comprends les trois langues, l'arabe, le français et l'anglais. Et je vois que quand un patient qui parle le français, supposons, moi, je ne lui ai rien dit, il sait que je parle les trois langues. Quelqu'un qui est parfaitement francophone va parler en français. Puis, au moment où il y a du pulsionnel pur, c'est en arabe que ça sort. Des analyses que nous faisons, nous, avec les personnes qui sont sur nos divans, moi, je pense que c'est des analyses multilingues. Et je pense que c'est une des spécificités de la culture libanaise. C'est une partie de notre identité. Et c'est toute la question de l'identité libanaise et tous les problèmes liés à ce problème de langue. Par un concours de circonstances, on était un certain nombre d'analystes qui avaient déjà fait ce que s'appelle leur formation en Europe. Mustapha Safwan, psychanalyste. On s'est mis à traduire les uns au-delà de principes de plaisir, les autres la psychopathologie de la vie quotidienne, les conférences, introduction à la psychanalyse. Et moi, j'ai fait l'interprétation des rêves. Et donc c'est pendant cette période-là que vous avez traduit l'interprétation des rêves de Freud en 1959, soit 60 ans après sa première édition? Oui, la première édition est sortie de l'imprimerie en 1958, décembre, et a été mise en vente en janvier 59. C'était une de ces grandes maisons d'édition. Vous savez, ce sont les Libanais chrétiens, les Maronites, qui ont inauguré la renaissance de la langue arabe au Moyen-Orient après l'occupation occidentale. C'est eux qui ont fait le premier dictionnaire moderne de la langue arabe. Il y avait trois difficultés énormes. Trois mots qui sont justement le mot conscience, le mot identification et le mot même sujet, qui n'ont pas d'équivalent en arabe. Parce qu'en arabe, on ne dit pas sujet, prédicat, on dit le premier terme, en arabe, on dit mubtada, le terme qui commence la phrase, le terme qui en forme. Mais on ne dit pas le sujet et le prédicat, ce qui fait que même au niveau de la grammaire, le terme sujet n'existe pas dans la pensée arabe. Identification, c'est pareil. On peut trouver un terme dans le style faire un, mais faire un, ce n'est pas du tout l'identification. Et puis même conscience, il y a une traduction comme ça en faisant appel à l'inconscient. Enfin, non, ce sont trois termes qui ont posé un problème tel que la seule solution que j'ai trouvée, c'était de faire des grosses notes consacrées à l'explication prosaïque, si je peux dire, du concept concerné. Et de dire les raisons pour lesquelles j'ai choisi tel terme arbitrairement comme traduction, plutôt que d'autres. Profondément et tout ça, on a pu trouver, vous savez, c'est pas en arabe qu'on trouvera des difficultés pour traduire censure et refoulement. Est-ce que vous savez comment ce travail de traduction a été reçu en Égypte? Oui, personne n'en revient, ça continue à vendre. Je crois que c'est le livre le plus vendu en Égypte. Mais le succès a dépassé tout ce que j'imaginais, parce que c'est un livre que jusqu'à maintenant se vend. Il est publié partout, au Maroc, au Maghreb. Il est diffusé dans le monde arabe, dans sa globalité. Il y a une maison à Beyrouth, il y a une maison au Maroc, et sans parler des maisons multiples en Égypte. Je, c'est moi. Il n'y a pas de subjectivité dans la langue arabe. C'est le clan, c'est la famille, c'est... C'est particulier quand même pour le patient sur le divan qui doit... Oui, mais sur le divan, vous savez, quand vous allez approfondir vos petites analyses, vous allez voir que cette subjectivité va sortir, se manifester d'une façon ou d'une autre. C'est très nuancé, la langue arabe, elle est superbe. Il y a beaucoup de paradoxalité dans la langue arabe, beaucoup de nuances. Vous dites quelque chose et vous voulez dire autre chose. Donc l'inconscient est toujours à fleur de peau, vous captez les choses. Au Liban, c'est trilingue. Donc on parle français et anglais facilement. Au début, tout le monde parle ces langues-là. Mais un jour, hop, la langue arabe sort. Et je dis, ça y est, le travail commence. On touche à la mère, là, à quelque chose de très régressif. Le patient doit régresser en psychanalyse. On ne peut pas échapper à la langue. C'est-à-dire tout ce qui se dit dans la langue archaïque, cette langue, c'est même pas une langue, c'est avant le langage, ce contact, ce rapport avec la mère, qui reste collé à la peau. Il y a un mot en arabe qui me touche beaucoup, intraduisable. Je vais essayer. Que tu meurs, Inch'Allah t'mout. Toutes les mères, pratiquement, disent ça quand ils sont très énervés à l'égard d'un enfant. Ou elle peut dire, quand elle est dans un élan très affectueuse, Tobourne. Tobourne, ça veut dire que tu m'enterres. Si je mourrais, j'aimerais bien que tu m'enterres. C'est très touchant. Tu m'honores, Yanné. Tu sois là pour faire tous les rituels, tous les machins. Bah, c'est très touchant, je trouve. Et il n'y a que les mères, que les grand-mères qui disent ça. On a beau analyser ces deux termes. C'est très lourd pour l'enfant. Je dirais que la mort et l'amour flirtent. Ils sont là, ils se touchent. Oh, Le Liban est le seul pays arabe où coexistent 18 confessions reconnues par l'État. À Beyrouth, les chrétiens maronites cohabitent avec les musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites. Pour les patients comme pour les thérapeutes, la psychanalyse attire-t-elle une communauté plus qu'une autre ? Oh là là, il y a encore ce sujet dans lequel on n'est pas entré dans le communautaire. Si, elle est communautaire. Raina Sarkis, psychanalyste. Je ne sais pas trop dans quelle mesure, je n'ai pas de chiffres, mais c'est une impression très forte que j'ai. Oui, enfin, vous l'avez constaté en faisant vos recherches, vous avez du mal à tomber sur des psychanalystes musulmans au Liban. J'ai beaucoup de patients musulmans. Et je crois que c'est ce côté-là qui est intéressant à la limite. Pas que ça importe, parce qu'au bout du compte, un patient sur le divan, c'est vraiment des choses qui ne jouent pas. Parce qu'on rentre dans l'inconscient, dans le profondément humain, dans l'émotionnel. Bien sûr, il y a la structure, il y a des croyances, il y a des valeurs qui sont mises en avant. Et donc tout cela suscite d'autres genres de frustrations, des inhibitions d'une autre nature. Mais le fonctionnement humain est universel. Enfin, ces limites-là explosent. Il n'y a pas ce genre de frontières. C'est quand même fou, hein. Quand on est Libanais, c'est jusqu'à la moelle. Pour revenir à la confession de psychanalyste, je pense que la majorité sont des chrétiens. Peut-être simplement géographiquement, parce que l'UAJ est du côté des chrétiens et que les Yubi, à part le fait que ce soit l'école de pensée américaine qui est plus vers la psychothérapie et d'autres formes d'approche thérapeutique, aussi elle est dans une partie de la ville qui est à prédominance musulmane. C'est des facteurs comme ça, c'est presque l'ironie du sort qui s'acharne pour bien garder ces choses-là. Mais c'est une culture aussi, la psychanalyse, c'est toute une culture dans le sens appartenance culturelle. Donc oui, ça joue et ça se traduit sur le nombre et la masse psychanalytique au Liban, si vous voulez. Pour nous, Est, c'est les quartiers chrétiens. Donc la guerre de 75 à 90 a divisé Beyrouth en deux régions. Et la ligne de démarcation était le centre-ville. Et il y avait les régions chrétiennes, il y avait les régions musulmanes. Et on ne pouvait pas passer d'une région à l'autre. Mais cette ligne de démarcation, elle est toujours dans les esprits, jusqu'à aujourd'hui. Peut-être dans des générations d'avant, beaucoup plus que dans les nouvelles générations, où je me suis rendu compte, ceux qui ont aujourd'hui 20 ans, 18 ans, pour eux, ça n'a pas tellement de signification. Quand je dis Beyrouth Est, Beyrouth Ouest, pour eux, ça veut dire quoi? Mais je pense que les lignes de démarcation sont dans les têtes aujourd'hui. Mon cabinet, pour le moment, est au cœur des régions chrétiennes. Bon, j'ai moins de musulmans que de chrétiens. Et parmi vos collègues, il y en a qui sont installés Alors, j'ai des collègues musulmanes, des collègues psychanalystes. Parce qu'il y a des psychothérapeutes dans les quartiers ouest. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, actuellement, peut-être il y en a un ou deux. Le métier, psychologue, psychanalyste, tout ce qui est psy, à part la médecine, les médecins psychiatres, il n'y a pas de statut au niveau légal, il n'y a pas de statut du psychologue, il n'y a pas de statut du psychanalyste. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont ni psychothérapeutes ni psychanalystes, qui se disent psychothérapeutes et psychanalystes. Donc là, ils sont légion à ce moment-là, et dans les quartiers Est, dans les quartiers Ouest. Moi, quand je paye mes impôts, alors je sais que le comptable met psychiatre. Je dis, mais je ne suis pas psychiatre. Il me dit, mais où voulez-vous que je vous mette? Dans quelle colonne? Il n'y a pas de colonne. Donc le métier n'est pas reconnu. Syrie, Alger, Liban, Maghreb, tout le monde arabe, les musulmans étaient inférieurs aux chrétiens pendant les mondes français. Mouzaïano Serran, psychanalyste. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu accès à la culture occidentale facilement. C'est dû à la religion, c'est dû à la culture, c'est dû au background d'où ils viennent, c'est dû aux familles. Il s'avère que je suis classée, on appelle ça ici, du moins. Je fais partie de ces familles. J'ai eu accès à la langue française, anglaise, tout ça facilement parce que j'étais dans des écoles américaines ou religieuses. Ma famille ne posait pas de problème à l'époque, quoique ce sont des musulmans. Tout le monde n'a pas eu accès à ça. Je pense que ça explique beaucoup de choses. Les chrétiens avaient beaucoup plus accès. Les jésuites ont beaucoup travaillé, notamment je parle du Liban et de la Syrie. Donc il y avait une ouverture vers l'Occident. Tout ce qui vient de l'Occident. Bien entendu, la psychanalyse. Moi, j'étais formée à Paris. Et tous les autres chrétiens que vous avez rencontrés étaient formés au Liban. Pourquoi il n'y en a que moi ? Non, il n'y a pas que moi. Les musulmans en 75, ils étaient obligés d'y aller à l'université américaine de Beyrouth. Donc, ils n'avaient pas accès à BSJ ou voyager. L'université américaine, c'est la thérapie cognitive ou behaviors, whatever. Ils sont trop éloignés de la psychanalyse. Même à l'université américaine, jusqu'à il y a 2 ans, il n'y avait pas de psychologie clinique. Donc, il y a eu la guerre. Il y a les religions, il y a l'histoire du Liban, l'histoire des classes sociales. Tout ça a fait que, actuellement, on a très peu de psychanalystes musulmans. Musulmans. Il n'y en a pas. Il y a des psychanalystes à la vite fait. Il y en a, des musulmans. C'est-à-dire formation de 5 ans, 4 ans. Pour nous, ce n'est pas des psychanalystes. Mais elles se sont formées où ? Ici. Statistiquement parlant, c'est vrai, les musulmans ne viennent pas facilement vers ce domaine. Quelle est la raison pour laquelle ils ne viennent pas facilement vers ce domaine ? Parce qu'il est long. Ils ont besoin de gagner leur vie ou de se prouver rapidement. Être ingénieur ou faire du business qui est vite fait. C'est très long, la psychanalyse. Il faut vraiment être mordu pour continuer jusqu'au bout. Il faut voyager, il faut revenir, il faut être supervisé, il faut faire plusieurs tranches. C'est-à-dire pour être psychanalyste, il faut compter 40 ans. C'est long et il faut être très motivé pour y arriver. Et pendant 2 jours, je faisais tout à la perfection, sans jamais me tromper. Et puis, en regardant le titre d'un journal, j'ai vu que le mot « lent » était écrit. Ça a été plus fort que moi. Il a fallu que je me mette à chercher immédiatement le contraire. J'ai feuilleté tout le journal jusqu'à ce que j'ai trouvé le mot contraire, rapide. Mais à ce moment-là, il était déjà très tard. J'avais passé plus d'une demi-heure à chercher. Je ne pouvais plus arriver au supermarché à 4 heures précises comme j'avais prévu de le faire. J'avais commis une erreur. Et aussitôt, je me suis fixé une autre date qui était hier à 00h30. Mais j'ai de nouveau commis une erreur parce que, avant de m'endormir, j'ai bu une gorgée d'eau. Mais j'avais oublié de stériliser le verre. Et j'ai bu de l'eau polluée. Maintenant, il faut que je recommence tout au début. Que je me fixe une autre date. Les patients qui viennent en tant que patients musulmans, c'est vraiment toute une autre batterie de problématiques, de souffrances, d'inhibitions, de frustrations et de culpabilité. C'est vraiment un univers très particulier qui leur est propre parce qu'ils sont musulmans et qu'ils sont croyants et qu'ils ont beaucoup de mal à tolérer envers eux-mêmes. À prendre la responsabilité de n'importe quelle remise en question qu'ils puissent avoir à un moment donné. Ça leur pose des problèmes majeurs, des problèmes de cohérence et de culpabilité et de peur. C'est des personnes qui peuvent être terrifiées par l'idée de désobéir aux lois de leur croyance. Il y a un surmoi tyrannique, persécuteur, inhibiteur, castrateur, terrible. Et en même temps, quand ils sont croyants d'une certaine façon, ils peuvent développer des troubles obsessionnels compulsifs liés à la croyance. Ça rend un peu obsessionnel quand on veut suivre la sunna au pied de la lettre. Ça rend un peu obsessionnel parce que ça dicte au moindre détail dans tous les aspects de la vie de la personne quoi faire et comment faire. Et ça peut rendre fou. il faut devenir obsessionnel pour s'assurer qu'on n'a rien oublié, qu'on n'a rien raté, qu'on ne désobéit pas, même à son insu. Et ça crée vraiment une tension et un épuisement psychique et émotionnel dont le patient ne se rend même pas compte. Mais il y a une souffrance énorme qu'il n'arrive pas à nommer. Cette souffrance entre en scène quand il y a une harmonie qui est brisée, quand il y a une pulsion qui remonte, ou un désir qui est perçu comme étant en contradiction avec les dogmes de la religion. Et là, c'est vraiment la paralysie psychique, parce qu'il est évident qu'ils remettent en question, mais ils n'osent pas remettre en question. Ils ont des désirs basiques et légitimes auxquels ils aspirent, mais ils ont peur de la colère de Dieu, de ses regards qui les observent. Ce Dieu, c'est-à-dire cette absence, est vécue comme une mauvaise présence qui est là pour censurer, pour juger, pour castrer, pour donner la mort. C'est complexe et c'est beaucoup plus lent avec ces patients-là parce qu'il faut tout à fait une autre approche. Il n'y a pas un moment de eureka, il n'y a pas un moment de prise de conscience ou de révélation. Non, c'est très méticuleux. Il faut vraiment suivre la logique et la respecter et la comprendre et la déconstruire, mais vraiment une brique à la fois. Pour convaincre selon la logique de la personne qui est en face de vous et que vous respectez et que vous voulez aider, elle est cette logique, c'est une identité d'être musulman, c'est pas une croyance. Il s'agit vraiment de réellement comprendre d'abord et de respecter ce que le patient pense et ce qu'il croit. Et essayer de l'amener, de négocier avec ce surmoi tyrannique, de négocier quelque chose qui peut petit à petit l'amener à comprendre que ce n'est pas à chaque fois que tu te fais un peu plaisir que tu risques la mort. Parce que l'obsessionnel fonctionne dans la logique de l'équilibre. Si quelque chose de bien se passe, quelque chose de très mauvais forcément va venir pour équilibrer. C'est pour ça que vous avez les rituels, que vous avez les invocations. Tous les rituels de répétition des obsessionnels ont pour but de contenir l'angoisse. Et les invocations, etc., ont aussi pour but de conjurer le mauvais sort. Il y a aussi cette superstition qui est extrêmement implantée dans le psychisme de tout obsessionnel, aggravée par la croyance religieuse. Pourtant, ils sont là. Et pourtant, ils sont là, je dirais ça. Et c'est vrai que la métamorphose est extraordinaire. Parce qu'ils évoluent énormément, mais ils arrivent, ou j'arrive, ou on arrive ensemble à sauvegarder la foi et la croyance, ce qui n'est pas nécessairement donné au départ. Je ne suis pas nymphomane, on me blâme, je ne suis pas travesti, ça me nuit, je ne suis pas masochiste, ça existe pour réussir mon destin, je vais voir le médecin, je ne suis pas schizophrène, ça me gêne, je ne suis pas hystérique, ça se complique, oh dit le psychanalyste que c'est triste, je lui dis, je désespère, je n'ai pas de goût pervers, de goût pervers. Mais si, me dit le docteur, en se rhabillant. Après ce premier essai, c'est encourageant. Si vous ne buvez pas, vous ne vous droguez pas et n'avez aucun complexe, vous avez une obsession, c'est le sexe. Chez les chrétiens, le corps est à dépasser. Le corps est méprisé à la limite. Non, le corps, c'est le péché, c'est ce qui est à dépasser. Alors que chez les musulmans, le corps, il faut l'entretenir, il faut qu'il soit propre. Chez les femmes, il faut séduire. Et il y a une forme de, si je peux dire, apologie de l'érotisme en islam. C'est un érotisme boiteux. C'est-à-dire, la femme est au service de l'homme, mais elle doit se rendre séduisante pour l'homme. Dans la chrétienté, c'est le péché, le corps c'est le péché, et il faut le dépasser, l'oublier pour pouvoir rencontrer Dieu, ce qui n'est pas le cas en islam du tout. Et du coup, sur le divan, ça donne quoi? Vous savez, le conflit sur le divan, c'est le conflit intra-psychique, c'est ce qui compte pour nous. Bien sûr, la culture joue, est un outil. Bon, sur le divan, ce que ça donne, la culpabilité, si elle n'est pas là, elle est ailleurs. C'est-à-dire, la culpabilité, de toute manière, elle est là. Donc, chez le musulman, si elle n'est pas liée au corps, elle est liée à autre chose. Parce qu'il y a des interdits aussi liés au corps des femmes. La virginité, le corps des femmes est tabou, n'empêche, il est au service de l'homme. Mais il ne faut pas le voir, il ne faut pas le montrer. Et donc, il y a une autre forme de tabou lié au corps chez les musulmans. Et on sait très bien que les femmes, sous leur voile et sous leur burqa, elles sont maquillées, elles s'occupent d'elles, elles portent des shorts, des sous-vêtements sexy. Donc, elles s'occupent beaucoup de leur corps, mais le corps est tabou. Il doit être caché, il ne faut pas le montrer. Donc, dans un sens analytique, c'est un corps fétichisé. N'importe quelle partie du corps devient érotique. Les doigts, les mains, les pieds, les cheveux. Il est fétichisé au sens de fétiche, c'est-à-dire la partie pour le tout. Chaque partie du corps peut être considérée comme érotique. Donc si on cache quelque chose, n'importe quelle petite partie qu'on voit de ce corps devient érotique. Parce que le corps devient tabou, c'est une autre forme d'interdit lié au corps. Do you love me? Do you, do you? Do you need me? Do you, do you? Do you want me? Do you, do you? Les musulmans, les jeunes femmes, par rapport à la sexualité. Ma problématique. Les jeunes filles, ils ont besoin d'exercer ou de vivre leur sexualité normalement, mais c'est pas possible. Certaines familles, c'est impossible. Hein? Surtout s'ils viennent des villages. Et finalement, ils ont recours à une chose de bluffer, de jouer le jeu, d'accepter d'être sodomisés. Ou de faire deux points de suture avant le mariage pour bluffer ce mec qui veut une vierge avec la complicité de la mère. Ça, c'est une problématique qui est commune. Ça change, mais ça prend du temps pour changer. Moi, je vois la femme voilée ici. Elle est beaucoup plus coriace, quoi. Elle tient tête à l'homme, elle argumente parce qu'elle est muhassana. Muhassana, c'est comme si elle est blindée ou elle est... Hassan, la tour, elle est un peu protégée par ce voile-là, et du coup, personne ne peut l'attaquer, on doit la respecter, soi-disant. Donc la religion, que Freud a appelée névrose obsessionnelle universelle, bon, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec. Elle est bonne, on se protège de quelque chose qu'on a peur, mais à la fois, on peut rentrer là-dedans pour se cacher et je veux pas voir tout ce que j'ai comme symptômes. Que les concepts psychanalytiques peuvent s'établir ici au Liban. Moi, je pense que pour s'établir au Liban, non seulement ils peuvent, mais ils le feront vu la vitesse à laquelle cette société s'individualise et vu l'espace de plus en plus grand accordé au soi, si tu veux, pour parler vite. Amria, étudiante. Soi qui est évidemment traversée de tout ce que tu veux, mais les gens ont beaucoup plus tendance aujourd'hui à parler de leurs conflits, de leur passé, de leurs histoires, de ce qui les travaille. C'est le reflet quand même d'une transition sociale assez majeure. Je ne doute pas que ces concepts peuvent s'établir. Surtout que, disons que la psychanalyse n'est pas ici persécutée par le pouvoir comme elle pourrait l'être dans d'autres pays, tu vois. Enfin, donc, je vois pas pourquoi pas. Mais encore une fois, ça voudrait dire qu'elle devrait se démocratiser. Freud disait qu'il ne fallait pas confondre les bâtiments lui-même avec les plans d'architecture, en gros, que c'était des façons de dessiner des bâtiments qui demeuraient mystérieux et les concepts de la psychanalyse. Mais c'est sûr que tant qu'il n'y a pas une adaptation, une reprise, une transformation, une hybridation avec des savoirs locaux sur la psyché, des savoirs locaux sur la subjectivité, des savoirs locaux sur pourquoi un tel fait comme ça, ça ne prendra pas. Des savoirs locaux qui sont vachement ancrés dans le langage aussi. Il y a des expressions de psychologie populaire, mais qui te renseignent tellement sur ce que vivent les gens, bah de même que, par exemple, Freud s'est inspiré de plein de mots allemands comme des mots qui veulent dire digérer, penser, enfin voilà, des mots qui portent un certain savoir sur les processus à la fois corporels et de pensée inconsciente. Tu as des mots sur le corps, tu as une expression qui revient extrêmement souvent. En gros, Sheyef Halo. Sheyef Halo, ça veut dire à la fois il est trop fier, mais d'une manière un petit peu péjorative. Ça veut dire aussi il se regarde. Et là, tu as tout de suite la fonction du miroir dans le narcissisme, tu vois. Enfin, tu as des savoirs populaires qu'il faudrait réinvestir pour que ça puisse s'ancrer. Tu te rends compte, les conférences ici, ou les colloques ici, ou les congrès ici, qui sont relativement rares, mais qui existent, les enseignements à la fac ont toujours lieu en langue étrangère. C'est quand même assez dingue, quoi, après toutes ces années d'implantation. Il ne faut pas oublier que le Liban est un pays où il y a une liberté d'expression que vous ne trouvez nulle part ailleurs. Même si notre culture est très encadrée par le religieux, il y a une liberté de parole au Liban, et les journaux libanais ont toujours été la tribune de tous les régimes et tous les opposants arabes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, il règne au Liban une forme de liberté d'expression qui n'existe nulle part. Et je pense que la parole libre, c'est quand même la psychanalyse. Avec les psychanalystes Raina Sarkis, Shoki Azouri, Marie-Thérèse Herbadawi, Muzayan Oseran Hubballa et la participation exceptionnelle de Mustapha Safwan. Amria, étudiante. Mixage, Vincent Venet. Islam sur le divan, un documentaire de Seham Boutata, réalisé par Alexandra Longuet. Avec le soutien de Gulliver, une initiative conjointe de la SACD, la SCAM, la RTBF, la SACD France, la SCAM France, la SSA, Proliteris et la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles.